jouez de la musique, peut-être? Voici un test pour savoir si vous avez l'oreille absolue. Essayez de reconnaître cette note. Alors, vous avez trouvé? Un do, un la, un ré? Pas facile, hein? C'était un fa. Et si vous n'avez pas réussi, rassurez-vous, seule une personne sur 10 000 a la faculté d'identifier ainsi une note, comme s'il la connaissait par cœur. Ils ont l'oreille absolue. Ces personnes peuvent concentrer toute leur attention auditive et mentale sur une fréquence particulière et l'associer à une note. Une fois la gamme apprise, ils arrivent à retenir cette association aussi bien que la voix de leurs parents, par exemple. Quant à savoir d'où vient ce don, eh bien, personne ne le sait vraiment. Il semblerait que l'oreille absolue ne s'acquiert pas, mais qu'on naisse avec. L'origine de ce don est encore très mystérieuse. Voici maintenant un test un peu plus facile. Il faut que vous identifiez une note en vous aidant d'une autre. Je vais vous rejouer la note fa du début. C'est bon, vous l'avez bien dans l'oreille. Essayez maintenant de reconnaître cette note. Alors, cette fois c'était un si. Vous avez réussi? Bravo! Vous avez l'oreille relative. Contrairement à l'oreille absolue, les personnes qui ont l'oreille relative ne retiennent pas la fréquence d'une note en elle-même, mais peuvent la reconnaître en la comparant avec d'autres. Tout le monde y arrive, mais certains avec plus de facilité, comme les musiciens, par exemple. Pour ceux qui ont trouvé le test encore trop difficile, je vous propose une comparaison plus simple. Je vais rejouer la note fa du début, puis tout de suite après, celle à identifier. Vous êtes prêts? Vous avez reconnu la note, je parie. Oui, c'était bien un sol. Le test était plus facile parce que les notes choisies étaient côte à côte dans la gamme. Et si vous avez réussi ce dernier test avec brio, c'est parce que tout le monde a une oreille relative. Elle nous sert même beaucoup dans la vie de tous les jours. C'est grâce à elle que l'on arrive à saisir les intonations de la voix. Par exemple, on reconnaît une question, car à la fin de la phrase, le ton monte légèrement. Pratique, non ?